Mais t'as entendu? Un rappeur qui fait de la musique. Mais le rap, c'est pas de la musique. Mais oui, mais il est con, lui. Ah non, mais t'as vu, il a une casquette, il a même pas les cheveux longs, qu'est-ce qu'il se prend pour un artiste? Un artiste, c'est un chapeau, ça a des cheveux longs, c'est bien connu. Non, mais franchement... Ah, le trop naze. De la journée, en tant que gens plus fort que lui, le couteau sur les poignets, c'est l'art de l'éternité, seul dans son groupe avec 3 CD. Personne ne les a fait, c'est son couple, on peut pas s'acheter. Seul on a fou, personne n'aime sa musique. Dans le verre, dans le four, dans le mouillé comme une foule. Lui-même s'apprécie plus, sa tête a mal au cul. Il tape dans ce bras de conserve, les mains moitié conserve. Il voit et observe, les nouvelles sont brèves. La nouvelle tu le trêves, dure avec lui-même. Dure avec lui-même, il va avoir la flemme. D'écrire, de décrire, t'as vu sa vie de bohème. Aujourd'hui, alors je trouve normal. Tête de la merde tout fait, mais ça reste original. Il arrive dans un nouveau village, ça sort bien au village. Il a tout relevé, le regard bon. Bienvenue d'étrangers, sans sortir encore un beau chevaux. Le style cheveux longs, chapeau brasse, mais pas rameux. La veste, le split pour mec. Je suis le signe d'artiste, mon fils veut la vie de bohème. Je lui offrirai un mot dans votre poème. Aux étrennes, faire de l'art, quand on rentre dedans, mais comment rendu l'art. Les traits pour faire traceux, les scènes, on s'écarte les yeux. Les lances, le gel, les portes en lock. Voilà l'absence pour faire comme un beau, un ton beau, ouais t'es beau. Allô mon bobo, incohérent, des critiques, des crédibilités. Une heure câble, le charme a peu vu que tombe le gâchis. Y'a un rappeur sous des méchants, alors on les humilie. 3 000 euros, nouvelle guitare, 3 chants de 6 gammes dans le répertoire. Wow, t'as fait depuis combien de temps? Autant le 6 ou 7 et ça fait un an. Tous beau gosse et pédant, on en parle crache dessus avec sa musique de P2. La règle son rap étant, la belle écrit du bien entendu. On aime si c'est pas faire la musique, parce qu'il se fout pas il expose le kick, il veut être dit. C'est que les amours en lui, pour l'utopie d'un archidrave lui. Quel beau dieu, étranger des villes de la nuit. Avec ta coupe à ta vie de bouillie, que plutôt ouf, comme en bruit. Tout ce fond de la montagne, qui en a pas guillemets, qui en a pas guillemets, qui en a pas guillemets, pour tuer. Hey, hey. J'suis pas rocker, pas rappeur, sans c'est comme vous, c'est ta mère, j'veux pas baiser de belle sister. Vu que c'est moi l'autodestructeur dans l'affaire, leur fais pas trop pas le crâne des sincères. Ouais, non, c'est la musique, on veut pas vendre des disques. Et puis tout est différent, c'est sataniste qui comprend pas le désespoir qui m'a poussé à mettre leur nom sur ma liste. Et celui-là, petit fils, pas bourgeois, plein des rebelles avec la meuf, ça connerie, ça vend de con la belle vie, mais les dépressifs gothiques. Parce que ça fout la piercing, elle écoute du dance clip. Et pour évacuer son désespoir, il fait de la pop pop music, mais c'est de la merde, vu que tout le monde aujourd'hui a une guitare électrique. Et selon par ça, c'est la folie, tout le monde imite les rappeurs, le gothique porte des baguettes, c'est nous les meilleurs. Et mais le style, c'est quoi? Bah l'amour fus, vu que c'est comme ça que les salopes te choisissent. Grâce aux épouses, je m'accepte comme je suis des gentils célibataires comme astrophie à vie. Je fais terre de câble, je vois ce que je suis et fais pas d'automitomanie. C'est pas pour teaser, pour que vous disiez que je me suis mis à rapper pendant plus pour le funny. Pas comme si c'est sale balle qui fait ça leur car ils sont des gentils mais def métal. Les petites annonces boy bands formatées qui se croient qui bonnes. Et ils arrêtent au moindre obstacle, leur révolutionnaire ne démissionne jamais d'après le chier. Nos futurs pour ces rebelles, les oracles bâcle. Moi je reste un petit MC venu brûler tout le gâchis qu'il y a ici. Moi si je suis sidère, je joue de la guitare mais non. Je suis pas un bon rocker à l'arrêt de chip papers aux cheveux longs. Pas non plus essuyé aux papers. Pour rigoler, j'ai pas besoin de bombers. Fashion, de toute façon, qu'est-ce que tu t'en fous de ce truc superflu? Vu que tout le monde va fonder une famille banale avec un mari habillé normal qui te fera cocu. Et moi, comme de l'habitude, je suis un insecte rythmé dans le vent, dans le vent des meufs et je reste méchant. On nous entraîne, il s'en prend plein la gueule et devient schizophrène. Soit t'es une prouesse, soit t'es écrasé de son fesse. Alors bouche en coin, bouche en le trou, qu'ils explosent en coup de plein. De partout, ces animaux, la musicien, sont les aime bien. Ils interprètent bien, mais ne compose rien. Le sous-doux est pas la merde, mais personne ne l'aime. Attention, tous les virtuoses, t'en fais jamais de choses. Il n'y a rien de plus. T'arrêtes toute la merde parce que personne ne l'aime. Quoi plutôt, c'est ça qui fait faire. Je suis dans la. Un scooter, une Fender, un chapeau à 3000, 1000 ou 200 euros. Mon fils est inscrit dans le système en option musique. C'est donc un grand musicien, un peu comme si c'était un grand repère qu'elle n'a rien appris. Et ça me passe, mais c'est que, comment, mais c'est du virtuose.